Allez, on est de retour dans quelques instants. Je suis fatigué. On est de retour, pas dans quelques instants, tout de suite. Dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h. J'ai toujours pas préparé le Seikiki. Il va falloir que je m'y mette, les enfants, si vous voulez vous affronter. On va attaquer la deuxième heure de l'émission. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre et que vous l'avez raté, nous avons eu pendant 15-20 minutes en début d'émission Pierre Lesmelou, le joueur dijonnais et futur adversaire des Girondins dimanche à 17h. Si vous voulez retrouver l'interview de Pierre Lesmelou, ça se passera sur les brèves que retranscrira sûrement Rico et le podcast. Dès qu'Adrien mettra en ligne le podcast, vous pourrez évidemment le retrouver. Demain dans la journée. Où c'est qu'on peut le retrouver, Adrien, le podcast Leur lien sera mis, c'est archive.org. Non, c'est un lien spécial. Donc, merci. La deuxième heure de l'émission, les enfants, on va parler de l'importance des changements tactiques de Gourvennec. Retour sur ce coup de poker gagnant. On va parler également du président. Martin, a-t-il eu raison de démentir aussi rapidement les rumeurs concernant Cédric Carasso et Costit? D'ailleurs, on va en parler même tout de suite, puisqu'au téléphone, nous avons... Il est là. Bonsoir, Marco. Bonsoir, monsieur. Comment ça va, mon petit bonhomme? Bon. Ça va. T'es plus malade? Si, j'ai mal partout. Ouais. Ça s'est bien passé avec Dugas. Moi, je t'ai trouvé bien. Dugas était bien. Le bœuf a été bien. Est-ce que tu as répondu à la question que personne ne se pose? Ouais. Ouais, non, c'était bien. Je l'ai pas fait original. J'ai fait bon, tout le monde. Une fois de plus, écoutant RMC et Team Dugas, quand Jean-Louis Tour annonce dans quelques instants on prendra Marc, si tu veux, j'ai commencé à préparer le texto. J'étais Marc. La dernière fois, t'as oublié. N'oublie pas de faire un peu de publicité pour l'émission ou au moins pour le site G33. Ouais. Il l'a fait alors. Bah ouais. Jean-Louis Tour. Bon ben merci Marc. Bonne soirée. Ouais. Merci. Ciao. Boum. Voilà. Merci Marc. Merci Marco. non, c'est pas grave, hein, on t'en veut pas. Si. Non. Salopard. Alors, mon petit Marc, toi t'avais un coup de. Alors, toi je sais plus ce que c'était. Un coup de gueule, un coup de gueule, un coup de boule. Un coup de boule. Allez, on va commencer par ça. Eh ben, le coup de boule de Marc, c'est tout de suite. Le mec, il m'a foutu un coup de boule. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. Vous n'avez aucune force. C'est ici que ça doit partir. Non, mais dis donc, Pépère. Oh, ce bruit. Voilà. Alors, Marc, t'es pas content? Ouais, je suis pas content. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Mais les supporters bordelais m'attristent. Carasso va partir. Voilà, ah, c'est bon. Pour ça. On peut être triste. Oui. On peut être triste que le. On peut avoir aimé le joueur et que le joueur parte. Mais arrive un moment, faut arrêter. J'ai l'impression que pour ces gens-là, le CGB existe depuis 2009. Depuis l'arrivée de Cédric Carasso, j'ai l'impression qu'avec Cédric Carasso nous a fait gagner la Ligue des Champions. Il va falloir que les gens, heureusement, on les écoute pas. Heureusement, on les écoute pas. Ils vont faire une manifestation demain au Hayan à 10h. Non, mais ça après, Marc, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, je te dis ce que je veux. Il faut arrêter d'être con. Il faut arrêter d'être con. Cédric Carasso, il a 35 ans. Il faut préparer l'avenir. On a raté, je vous rappelle, Lloris en 2008. Oui. Parce qu'on a voulu garder quand il était à Nice. Un an de plus. Voilà. On n'a pas pris Lloris. On a pris 8 millions d'euros l'année d'après. On a pris Carasso 8 millions d'euros. Bon, au final, on ne s'est pas trompé. Je pense que si on avait pris Lloris, on se serait encore moins trompé. Oui. Arrive un moment, oui, les joueurs ont plus ou moins une légende. C'est ça. Carasso laissera une empreinte au FCGB parce qu'il sera quand même resté 8 ans. Bah, il restera dans la grande lignée des gardiens comme Ramé avant lui, voilà. Luard. Mais arrive un moment, il faut passer à autre chose. C'est un joueur qui se blesse beaucoup, c'est un joueur qui a 35 ans et il faut voir un peu plus loin que j'entends les gens dire oui, mais il faut au moins lui laisser un an de plus. Non, arrive un moment, il est en fin de contrat. Le joueur a, je pense, lui aussi des demandes, un salaire qu'il demande derrière. Et qui ne doivent pas convenir aux gérants de Bordeaux. Il y a le gardien numéro 2 de l'équipe de France à l'heure actuelle qui est libre et qui est gratos. Qui coûte 13 euros. Voilà. À un moment, il faut savoir prendre des décisions et saisir des opportunités. Le problème, c'est pourquoi on ne prend pas le premier, quoi. Parce que le premier, il est hors de prix. Je pense aussi. Après, quand je vois que certains vont jusqu'à insulter Costil, mais on est où? Ouais, on est où? Donc ces gens-là, j'aimerais juste leur rappeler une chose, c'est que les Girondins de Bordeaux n'existent pas depuis 2009, que des grands joueurs, on en a eu, et que les grands joueurs, à un moment, mais ils partent. Ramey s'est arrêté au bout de... il est arrivé en 97. Et même des fois, heureusement qu'il part, parce que Zidane, s'il serait pas parti en 96, qu'est-ce qu'il serait devenu? Ça se trouve, et si Zidane reste à Bordeaux? Ça se trouve, il devient pas Zidane, mon gars. Voilà. Ça se trouve, ça devient Abdou Traoré. Arrivé à un moment, il faut juste être rationnel. Je vois et je lis des choses que je n'ai même pas entendues et vues quand Ramey est parti. Je trouve que c'est totalement disproportionné. Et j'ai vraiment l'impression, quand je lis ça, de tomber sur des gens qui suivent le FCGB depuis 2009. Donc moi, ça commence vraiment à m'exaspérer réellement. Et en même temps, Marc, les plus jeunes, admettons des mecs qui ont 20 ans aujourd'hui, il y a 8 ans, ils avaient 12 ans, quoi. Ils ont peut-être même pas connu Ramey, quoi. Tu me connais. Moi, j'ai commencé juste en suivant les journaux en 97. C'est-à-dire que moi, je n'ai connu Ramey puis Carasso. J'ai passé un quart du cinéma. Avec Cyril, on a connu Joseph Antoine Bell. Moi, j'ai connu Dropsy, gardien. Je n'ai pas fait un quart du cinéma. J'ai connu Maxime Sens. Non, c'est pas Maxime Sens. Oui, non, mais Marc, tu sais que quand ça touche. Lionel Pérez. Tu sais. Oh, putain, Lionel Pérez. Oh, c'était récent, ça. Enfin, récent. Ouais, Marc, tu sais que quand ça touche des joueurs qui, pour le coup, Carasso a une cote énorme auprès du public. Ramey avait également une cote énorme auprès du public et ça a fait chier tout le monde. Ramey, ouais, mais à l'époque il n'y avait pas les réseaux, enfin il y avait moins les réseaux sociaux que maintenant. Ramey, il y avait moins. Mais rappelez-vous Ramey aussi. Je me souviens de Marc qui. Je me souviens de Marc au départ de Ramey qui disait que c'était le plus grand joueur de l'histoire des Girondins et compagnie. Après voilà, t'as un petit côté midinette sur Carasso. Moi je m'en fiche. Clairement, en plus on sait très bien que ça va n'avoir aucun effet. Si ça fait plaisir aux gens d'aller soutenir et de donner un message positif à Carasso, qu'ils le fassent, parce que Carasso ça reste quand même quelqu'un de respectable. Ouais. Moi je lui souhaite honnêtement d'avoir un superbe départ contre Marseille. Sur une victoire 4-0 avec attention, un remplacement à la Ramey. On précise une fois de plus, pour l'instant, rien. C'est hypothétique. Rien ne dit que Carasso partira des Girondins. Oui, non, mais je sais, il acceptera pas d'être numéro. Je sais, Marc, mais officiellement, je veux dire, on peut. Voilà. Non, mais Seb, arrête de dire officiellement. Juste une chose. Cyril, oui, mais je pense toujours que Ramey a été le plus grand joueur des Girondins de Bordeaux. Et tu as un classement. Ouais, faut quand même pas déconner. Il y a eu un classement qui a été. En nombre de buts, il a quand même été loin derrière. Non, mais t'as plusieurs sondages qui avaient été faits à l'époque par Sud-Ouest, etc. Pas dans le training après 2010. C'était le numéro 2. Le plus important, c'était Giresse. J'ai pas connu cette époque, c'est normal que ça me parle moins et qu'automatiquement je vais être ramé comme plus grand joueur des Girondins de Bordeaux. Oui, non, mais c'est normal, Marc. Le sondage, tu le fais. Tu l'aurais fait après le départ de Pauleta. Seb, arrête, attends, de me couper depuis 30 secondes. La question est pas là. Ça m'a fait mal à moi, ça. Mais je suis pas. Vous m'avez pas entendu dire une seule fois à la radio. Mais qu'est-ce qu'on va recruter Carasso? En plus, c'est un Marseillais et un Toulousain. Moi, je l'ai fait pour Mico. Parce que je qu'est-ce qu'on va raconter Gourcuff, c'est vraiment une merde. Quand on se sépare de Ramey, Ramey n'est pas en fin de contrat, Ramey vient d'être champion de France, Ramey nous a quasiment permis d'avoir le titre en faisant l'arrêt déterminant contre Caen. On était loin d'avoir un gardien qui était en difficulté. C'était pas un gardien qui était blessé, etc. Là, on se retrouve avec un gardien qui a 35 ans, qui se blesse beaucoup et qui est en fin de contrat. Donc, arrive un moment... Les gens, j'ai aucun souci. Ils peuvent aller faire une banderole, merci Carasso, ce qu'ils veulent, voyons. Mais aller manifester pour demander la prolongation de Carasso, je trouve que c'est devenu disproportionné. Lire tout ce que je lis sur les médias sociaux et sur les articles et sur les commentaires. C'est peut-être bien parce qu'on lit trop les réseaux sociaux, oui. Justement, que ça nous monte à la tête. Parce que... Oui, mais c'est devenu disproportionné. Les gens sont disproportionnés dans tout. Dans tout. J'ai même pas envie de parler d'hier, les gens sont disproportionnés dans tout. Donc arrive un moment, ça me gave, il va falloir que les gens se calment un petit peu, qu'on laisse Gourvennec travailler. J'attends le prochain, parce que je crois que je l'ai déjà lu en plus, donc j'attends, mais pas vraiment, qui va me dire que c'est Ramey qui est jaloux de Carasso et que comme c'est lui qui l'a sorti... C'est dans la question que personne ne se pose. De toute façon, c'est Ramey qui est jaloux de Carasso. Hein. C'est dans la question que personne ne se pose, tu vois. Adrien, tu voulais parler avec Marc. Je suis d'accord sur le point que c'est inacceptable que des joueurs que des personnes s'en prennent à Costil et ou sifflent Cossil ou enfin etc. Dans l'idée ou critique dans l'idée c'est peut-être un futur joueur et c'est parce que il remplacerait un joueur important ouais, de l'histoire des Girondins. On n'a pas sifflé Carrasco quand il est arrivé. Non mais c'est inacceptable. Cependant, moi, je ne peux pas m'opposer à un groupe qui ne fait rien, qui n'attaque aucun joueur, qui ne fait que montrer leur envie et leur amour pour un joueur, leur volonté qu'il prolonge. Voilà, c'est les arguments qui sont derrière qui m'agacent. C'est-à-dire que c'est le principe qui consiste à dire « Ah, mais c'était plus grand, il faut absolument prolonger. » Ah, mais c'est pas pour cette raison. C'est pas pour cette raison. Mais tu peux dire « Carrasco est pas fini, c'est un très grand gardien, il est meilleur que n'importe qui sur le marché, il faut le garder. » Je veux bien accepter cet argument. Mais c'est pas l'argument que je lis. L'argument que je lis, c'est « Mais c'est un gardien historique, ça ne serait ne pas le respecter que pas le prolonger. » Mais d'où pas le respecter que pas le prolonger ? Ça va, il a fait 8 ans, mais je pense qu'il a été bien payé pendant 8 ans. Enfin, il a quand même été payé pour faire son métier. Donc encore heureux qu'il ait été bon, mais il a quand même fait son métier. J'ai entendu personne me dire les erreurs que Carrasco en ce moment, j'arrête pas de lire qu'il est au top de sa forme, mais en ce moment, il fait erreur sur erreur. Tu l'as entendu sur tous les joueurs emblématiques de Bordeaux. Moi, je sais que j'étais comme ça sur Paoletta. Moi, je voulais tout casser quand Paoletta. Alors que quand Paoletta part à Paris, mais il a 100 fois raison d'y aller. Ouais, mais moi, sur le moment, je le vis hyper mal. Et puis, ouais, certains l'ont mal vécu sur le départ de Chamac, d'autres l'ont vécu sur le départ de Ramé, Gourcuff. De Poco. Et à l'époque, allons demander à nos pères s'ils ont pas mal vécu le départ de Giresse à Marseille. Enfin, il y en a plein. Après, voilà, on va reconnaître à Carrasco que c'est un joueur qui a marqué l'histoire des Girondins de Bordeaux. Parce que c'est qu'une contestation. Voilà, après, je demande une chose aux supporters, moi. C'est si Costil arrive, ce qui est plus que probable. Le respecter. C'est l'accueillir comme il se doit. Mais il est évident qu'il sera. Ça sera le gardien des Girondins de Bordeaux. Si Carrasco part maintenant, Costil, le premier match, il n'est pas avant septembre. Donc il va se passer 3-4 mois. Moi, j'ai qu'un regret, comme je l'avais dit à Seb, c'est qu'on ne recrute pas Onana. Parce qu'on aurait pu faire de grandes, grandes chances. Alors, à ce propos, les enfants, pour terminer là-dessus, il y a. Pourquoi ? Moi, juste un faible. Bah ouais, mais ça concerne. Onana. Oui, s'il vous plaît. J'espère juste que les groupies qui trouvent Costil beau, genre ma femme, créeront plus que ceux qui vont qui remplacent Carrasco. Ah ouais, Méline, elle a des vues sur Costil. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas Bordeaux. Ah ouais, on comprend mieux. Non, mais juste pour terminer, il y a Rico vient de faire une brève il y a quelques instants où il reprend un tweet. Alors je sais pas qui c'est, Mohamed Toubache. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Toubache du Brésil. Qui annonce que le gardien donc, des Girondins serait d'accord avec Montpellier. Apparemment, c'est un mec qui est plutôt bien renseigné sur les paillades. S'il y a gassé là-bas, son agent, donc Stéphane Courbis, le fils évidemment de Roland Courbis, aurait même rendez-vous vendredi avec Louis Nicolin, dirigeant historique de Montpellier, notamment pour le rassurer quant à la santé de l'ex bordelais, enfin toulousain et marseillais, blessé depuis plusieurs fois au genou. Parce que honnêtement, Nicolin, je pense qu'il est plus que chaud pour le prendre à Carrasco, mais il y a toujours ces petits. Voilà, de dire. Bordeaux le conserve pas, tu te poses quand même des questions par rapport à la santé du joueur. Après, juste une petite chose, juste si vous me permettez juste de terminer sur un petit truc. Il y a un moment, il va falloir qu'on fasse absolument confiance à la cellule qui a été mise en place, c'est-à-dire à Ramé, à Gourvennec. C'est un choix qui leur appartient et il va falloir qu'on suive un petit peu. Qu'on suive pas la direction, quand les résultats sont pas bons, j'ai aucun souci. Mais dans la mesure où, à l'heure actuelle, Ramé et Gourvennec montrent que le duo fonctionne très bien et que c'est très bien géré pour le moment, il faut suivre. Je me souviens des 5 carrés quand il est arrivé. C'était une pire buse, c'était une erreur de recrutement. Il a prouvé que. Cyril aime ça. moi, je l'ai dit. Hein. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Mais comme je me suis planté sur Gourvennec. Et il faut, non mais voilà, maintenant il faut aussi un petit minimum faire confiance. On a dit la même chose quand on a recruté le défenseur, personne ne comprenait pourquoi il a choisi. Mais on s'est aussi trompé sur de temps en temps aussi. On a entendu, de toute façon, à chaque fois on entend ça sur Casu. Puis là c'est compliqué de dire Costil, c'est pas bon. Et puis j'ai envie de vous dire, s'il y a personne en face du débat, moi ce que je voudrais dire, aux gens, ce que je voudrais dire, parce qu'on en a parlé avec Marc cet après-midi et puis avec Cyril aussi, moi ce que je voudrais dire aux gens qui ont, entre guillemets, même si je comprends pas ça, mais bon, qui ont peur, entre guillemets, qu'une fois que Cédric Carasso, si Carasso il s'en va derrière cette table rase, les enfants, on annonce quand même un gardien qui est, alors certes, numéro 2 de l'équipe de France, mais parce que le numéro 1 est intouchable. Qui joue aussi attaquant et qui s'appelle Olivier. On m'aurait dit derrière, Carasso s'en va, mais on a personne, j'aurais effectivement eu des doutes. Là, non seulement on t'annonce un mec, et en plus on t'annonce un mec qui est top 3, voire 4 gardiens français, et en plus il est gratuit. Non mais c'est incroyable. Alors tiens, je vais demander sur le chat, honnêtement, je vais demander sur le chat, dites-moi sur... Au revoir Marc. Au revoir. Il est parti ? Oui, allô ? Allô ? Oui, il est parti, je crois qu'il rappelle. Goodbye my friend. Ah ouais, mais c'est bizarre. Il rappellera. Dites-nous sur le chat, honnêtement, il a plus de forfait. Un gardien français, parce qu'on va faire dans les français, hein, un gardien français accessible pour les Girondins de Bordeaux et dans un top 3-4, je suis désolé, Mandanda, il est intouchable de par son salaire et de Sébastien par son transfert. Frey, ouais. comment il s'appelle ? Sébastien Frey, il est beaucoup grossi d'ailleurs. Lloris, évidemment. Et Jean-Luc Etoré aussi. Il est intouchable. Et Ruffier, et c'est tout. Et Costil, il n'y a que ces 4-là. François Cluzet, il n'y en a pas d'autres. Du niveau. T'es là, Marc ? Mais oui, on va raccrocher tout à la gueule. Non, c'est toi qui as coupé. Moi, j'ai touché à rien. T'as plus de forfait, je crois. Non, j'avais juste ma joue qui vous voilà. A mis en attente, c'est tout. Du niveau, du niveau avec l'expérience de Carasso, du niveau de Carasso, je suis désolé. Non, mais Costil, il n'y a que Costil qui colle. Et en plus, c'est celui qui colle presque le plus à l'image des Girondins. Et puis surtout, moi je m'en fous. Puis regardez, et franchement, regardez ces 2-3 derniers matchs. Par contre, moi, le débat, c'était plus sur Martin. Est-ce qu'il a eu raison? Alors, ou pas, voilà, on va revenir un petit peu là-dessus, à moins que Marc t'ait encore un. Non, t'as rien à plus rien à dire. Mais... Non, par contre, je vais juste vous inscrire dans le débat et vous abandonner après. Ok, abandonne. Ça marche. Abandonne-nous. Capitaine. Donc, oui, Adrien, pour terminer, et après, on part sur le débat. Pour Martin, non, mais... Très peu ont compris. Si, capitaine abandonné. Oui, oui. Pour Martin, ça se trouve, parce que là, ça se trouve, rien n'est... Pour moi, rien n'est encore signé. C'est un pourparler. Ah ben, c'est pas plus que pour toi, c'est rien n'est encore signé. Oui, voilà. Non, mais parce que le télégramme disait que c'était... Il est clair. Adrien, il est très, très clair. C'était signé. Rien n'a encore signé. Et il se laisse encore. Mais en plus, c'est clair ce que je. Pourquoi quand tu parles, tu mets toujours 2 heures. Allez. Parce qu'en fait, il commence le mot, mais c'est pas le deuxième mot. J'ai appris avec Marc. Non, mais moi, je parle, je fuse mes mots, j'ai un débit de parole qui est important. Toi, tu cherches les mots, tu fais. Allez, mais laissez-le le pauvre. Orthophoniste. Allez, Adrien. Sans perdre du temps. Non, mais tout simplement. 3 minutes pour parler, pour dire rien dire. Cyril, putain. Allez, Adrien. Rien n'a encore signé. Stéphane Martin a eu raison de démentir parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a sûrement rien de signé. Et il dit qu'il se laisse encore toutes les possibilités de choisir, même s'il y a 75% de chance, voire 80% de chance. Et peut-être que ce que va proposer Montpellier à Carasso ne lui conviendra pas. Faut pas oublier ça aussi, les enfants. Il partira, du coup. Et alors ? Quand même. Quoi, et alors ? Ben, je dis. Si ça ne plaît pas à Carasso, quand même, on se contrat en juin. J'ai envie de dire, il serait quand même pas là. Oui. Bah, sauf si dans ce cas-là, Bordeaux décide, il accepte lui d'être numéro 2. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux choses. J'ai pas, déjà que, la discussion avec Carasso, je pense qu'elle est terminée. Mais pour l'instant, le club n'a pas mis les choses au point avec Carasso. Mais je pense quasiment que c'est fait. Il y a juste une chose, il y a une jurisprudence. La jurisprudence, elle s'appelle Kevin Gamero. Le mec, il avait soi-disant signé 2 semaines avant le mercato, mais 1 semaine avant, Séville est arrivé et nous l'a piqué, alors que le mec avait donné son accord à tout. Il y a la jurisprudence du 98% fait pour Zinedine Zidane, mais ça s'est pas fait. Donc Gourcuff aussi, qui devait revenir. Sûrement que l'accord est prêt, qu'on s'est entendu sur tous les petits trucs, mais qu'il reste des détails à la con, et que on peut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Moi, j'ai avec quelques discussions avec certains, j'ai cru comprendre que le club n'avait toujours pas annoncé sa décision à Carasso. Il n'y a rien eu qui a été communiqué. Et avant d'annoncer que Costil est là, on va déjà annoncer que Carasso ne sera plus Girondin la saison après. Il y a un hommage à faire pour Carasso sur le match de Bordeaux-OM. Et après, on pourra annoncer son successeur. Mais il y a juste des choses à faire dans l'ordre, dans le respect des gens qui sont. Et puis comme ça, s'il reste, on pourra en refaire un l'année prochaine. non, parce qu'il sera communiqué avant Marseille, c'est ce que disait Sud-Ouest. Mais il y a un respect des choses. Tu peux pas venir confirmer. Oui, Costil sera là. Bah évidemment. T'as même pas annoncé. Tu te flingues ta fin de saison accessoirement. Voilà. Donc je pense qu'il y a une espèce de jurisprudence qui est là où Martin fait du nini, mais on sait très bien. C'est du trio, on va le dire. Oui, il fait du trio complètement. Non, mais trio aurait plutôt dit que. Trio, il aurait dit. Mais oui, c'est ça, mais il aurait démenti. Donc, Costil donc, trop voilà. Cher. Voilà, il aurait dit ça. Je pense que. Il est gratuit, mais il est trop cher. Allez. Je pense que c'est dans ce ordre-là. Les enfants, voilà. On va passer. Monsieur, je vous abandonne. Ça marche, pistache. Et oublie pas que t'es là vendredi, toi, parce que sinon. Je suis là vendredi. Oublie pas de donner les clés. Ça y est, c'est fait, t'inquiète, chaussée. Il les a cachés dans sa coiffure. Il les a cachés dans ses cheveux. Allez, merci beaucoup, mon petit Marco. Puis on te retrouve vendredi en direct. Ciao. Ciao mon petit. Messieurs, donc on va parler. Bon, je vous le dis de suite. Il y a, je pense, un des deux débats qui va sauter. Je pense que 4-4-2 quand même. Vous préférez parler de quoi? Ah bah non, mais Martin vient de le faire. Ah bah non, mais non, oui, mais c'est Martin, bon. C'est bon. L'importance des changements tactiques et c'est Kiki. Alors, mais autant pour moi. Donc, on a 10 minutes à faire sur ça. Je pense que c'est jouable. L'importance des changements tactiques, du changement tactique de Gourvennec, retour sur ce coup de poker gagnant. C'est vrai que ça, on aurait peut-être pu le faire en première. C'est pas grave. Donc Gourvennec voit que ce week-end contre Bastia, ça va pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort Levchuk et pas sur blessure. Après, en même temps, Levchuk, moi je l'ai pas trouvé. Pourquoi plus Levchuk que Palois? Je l'ai pas trouvé dégueulasse non plus. Il avait un jaune. Voilà. Il sort Levchuk, il repasse en 4-4-2, tout l'allant redescend. Il met Roland devant. Et que se passe-t-il sur le premier but? Roland fait un appel. Dans l'axe, voire même au premier, hop, il attire deux défenseurs, ce qui libère le petit Malcolm qui est tout seul et ça fait but. Cyril, tu voulais revenir sur ça? Oui, non, mais parce que sur le changement de coup de poker de Gourvennec. On a souvent critiqué les changements tardifs de Gourvennec en disant qu'il prenait pas assez de risques, etc., etc. Là, 45e minute, il sent que le match est bloqué, il n'hésite pas. On s'entend que quand même si on n'est pas dangereux, on avait quand même la maîtrise du match, c'est nous qui maîtrisions le rythme, et Bastia n'était pas forcément dangereux. Il n'y avait pas de réelle occasion, ouais, ça manquait un peu. Voilà, mais il n'y avait pas forcément de déclencheur, il n'y avait pas forcément de dynamiteur. Voilà, et du coup, il a osé passer à deux attaquants, donc, et du coup, ça a débloqué ce match. Alors... bien sûr, c'est un coup de poker gagnant. Tout l'an derrière, je crois qu'il avait fait qu'une fois cette année. Donc ça fait un moment qu'il est. Bah, contenant en début de saison où il se blesse. Voilà. Et puis à moins que c'était l'an dernier, ça. Ah non, non, cette année. Mais non, l'an dernier, il joue pas. Et t'as raison, il a peut-être dû refaire fois. C'est quand même très très rare. Ouais. Son 4-4-2, il avait quand même abandonné depuis. Ça fait un moment qu'on n'avait pas joué en 4-4-2. Donc on maîtrise contre le truc. Contre Lille, il le fait, je crois aussi. Et ça marche. Ouais, non, mais après, voilà. Donc du coup. Ah, peut-être, ouais. Du coup, c'était plus sur cet aspect-là du débat. Alors évidemment, on est tous pour parce que ça a marché. Ça aurait chié. Bon, ben, on n'aurait pas été. On aurait été contre. On peut aller plus loin. Après, moi, ce que j'ai aimé dans la rentrée. Mais cette polyvalence, elle apporte quand même du poids à cette équipe. Ouais, et c'est surtout parce que tout le monde parle du choix offensif. Mais moi, excusez-moi, mais les Tchouk pas loin au niveau de la relance, c'est zéro. Là, on avait avec Toulalan. Une relance, un regard différent du jeu, et je trouvais ça très très intéressant. Alors oui, on ne peut pas le faire à tous les matchs, mais c'est une initiative que je crois il avait fait lors du premier match, deuxième match à domicile contre Nantes, et Toulalan s'était blessé, je crois. Il jouait dans l'axe au départ avec notre ami Greg Sertic. Mais c'est un truc à pas négliger. Après Roland, on ne sait pas vraiment s'il est là, pas là. Donc là, il a fait une bonne rentrée, il faut profiter de ça. Dans 15 jours, je ne sais pas s'il sera bon. Donc, profitons tant que c'est comme ça. Mais ça doit lui faire plaisir. Voir l'équipe qui marche en 4-4-2. Et c'est pourquoi ça marche en 2017 par rapport à 2016 quand il passe dans ce schéma. C'est parce qu'on va revenir à lui encore. Parce que son carré t'offre la possibilité d'avoir un milieu qui ne prend pas l'eau dans ces moments-là, que tu as un Laborde qui a vraiment éclaté. C'est ça qui est plaisant. Puis tu as toujours des cartouches sur les côtés. Surtout face au Corse, c'est mieux d'avoir des cartouches. Et je reprends ce que disait... Ça là, je me sors moi-même. C'est... voilà. Je reprends cadeau. Ce que disait Nabil Djellit de l'équipe sur... Nabil Djellit. Qui est anglais, sûrement Djellit. Je supporte pas, lui. Sur l'équipe qui disait que sur Monaco, on pouvait faire jouer n'importe qui à n'importe quel schéma, ça marcherait. Et je pense que Bordeaux en 2017... C'est un peu ça. Hein. Mis à part Palois à latéral gauche, on peut tout essayer à Bordeaux, c'est ça peut fonctionner. C'est un peu ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois, t'as raison, Alessi, de le préciser. Que tu aies la KLM, qui tu veux, ça marche toujours, même quand tu fais rentrer. Alors, sauf quand Jérémy Ménez est sur le terrain. Mais non, mais même pas, parce que des matchs avec Ménez, t'en as joué, t'en as gagné, t'as pris des points. Donc, non, En 2017, il a beaucoup joué. Non, mais il était blessé. Non, à un moment donné, non, mais, bah, en 2017, il a déconner, été blessé quelques vous, fois. Enfin, moi, je veux bien, mais à un moment donné, je veux bien que vous n'aimiez pas quelqu'un, alors, mais contre, de là à être de. C'est quand même la deuxième fois ce week-end, donc rien à voir. Hein. Que l'équipe et Roland Courbis mettent le Gagic arrière-gauche de la journée. Ouais, c'est pour te dire le niveau des autres. Avec une note de 7. Il y a qui comme bon arrière-gauche ? Non, il a eu 7 dans l'équipe ? Non. Oh. Bah, pourquoi pas, après tout, chacun a son avis. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais Gagic 7 et Toulalan 5 ? Bah, après, c'est toujours pareil. Si on considère, comme disait Cyril, et c'est vrai que c'est que son troisième match et que c'est en tant qu'interrogatoire et que c'est pas du son coup, pote, il a, son il pote, s'en son est poste, bien sorti. Bah, tu peux dire tu peux lui mettre une bonne note. Un mec, un vrai arrière-gauche de métier et qui aurait fait le même match, on l'aurait peut-être plus sacré. Il a quand même énormément canalisé Alain Saint-Maximin. On l'a pas vu du match. Ouais, pas. Ouais, mais ça, c'est grâce à la force. Ah, et franchement, Saint-Maximin, il était pas là, c'était pareil. Ouais. Transparent. Et puis Toulalan dans l'axe. Et alors, Crivelli, on a fait tout un sketch. Ouais, Crivelli est combatif. Crivelli. Et puis les supporters Bastier. On parlait d'une forte présence sur le terrain. Ils sont jamais aussi bons que quand ils sont pas là. Et. Bref, on va s'arrêter là-dessus. 3 minutes, messieurs, à moins que vous vouliez qu'on commence à s'équiper tout de suite. C'est très intéressant, ce 4-4-2. Pas... Daniel a toujours quelque chose à dire. Oui. Allez, vas-y. C'est très intéressant, ce 4-4-2. mais le 4-3-3, c'est celui qui nous permettra d'atteindre des sommets. Si tu mets un coup de boule, il faut que tu lèves le siège. Allez, c'est pas radiophonique, mais bon. Le mini coup de boule. On va vous envoyer un schéma. Le mini coup de boule d'Alexis. Ah non, ça, c'était le coup de gueule. C'est pareil. Mec, tu m'as foutu un coup de boule ? C'est pas comme ça, Pignon. Ça, je l'ai déjà mis c'est en plus. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. Vous... Il n'y avait aucune force. Il n'y aucune force. C'est ici que ça doit partir. Non, mais dis donc, Pépère. Oh, le bruit. Bah voilà. Un bon bruitage. Voilà. Alors, le mini coup de boule, qu'est-ce qui se passe, mon grand ? Tous ceux qui ont mis un coup de boule, ils savent que ça fait pas ça, quoi. Voilà, c'est simple. J'ai pas eu du rap de frites à la cantine. La D1 féminine jouait la 20e journée, je crois, ce week-end. Lyon et le PSG ne jouaient pas. Puisqu'ils jouent en Ligue des Champions. Puisqu'ils jouent en Ligue des Champions. Et qu'elles ont gagné. D'ailleurs, et c'est très bien. Et qu'il y a une forte chance que la finale de Ligue des Champions soit PSG-Lyon. Ce que j'ai à souligner, c'est que c'est scandaleux que le match Girondin de Bordeaux Olympique Lyonnais soit le mercredi 3 à 15h. Alors ça, on est bien d'accord, mon à petit. À 15h et à Libourne. Bon, à Libourne, c'est encore. Les vacances seront finies ou pas ? Oui. Donc, ouais, donc déjà, tu peux même pas faire genre c'est les vacances. Là, c'est la dernière semaine. C'est quand même. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà que l'équipe est en difficulté. Alors, précisons, ce n'est pas le club, ce n'est pas les clubs qui choisissent la date. Non, à la limite, ils choisissent le lieu, mais pas la date. Mais ce qui est incroyable, aussi, on peut le souligner, c'est que pourquoi il y a du championnat et ils font comme au rugby, il y a du championnat pendant la Ligue des Champions. Oui, surtout que les filles, il y a que 10 équipes dans le championnat ou 12, donc des dates, je pense qu'elles peuvent en trouver. Il y a pas de coupe, faut que je sache, il y a pas de coupe de France féminine. Il y a coupe de France, il y a pas de coupe de la Ligue. Faire des dates, tu peux en trouver quoi. Moi, je te rejoins complètement sur ça. Déjà Alexis, que les pauvres filles soient en difficulté. Elles ont un calendrier, mais de dingue. On sait très bien qu'elles y arriveront pas. Elles ont Lyon, elles ont Paris, elles ont Juvisy. Elles vont à Marseille. Elles vont à Marseille. Enfin, elles y arriveront pas. Si elles y arrivent, c'est même au-delà du miracle. C'est la Vierge, le Christ, le petit Jésus, les Martiens, tout ce que vous voulez. Oui. C'est un truc, c'est impensable. Et voilà, comme dit Kéopard, la FFF incapable de caser 22 matchs en week-end en 9 mois. Enfin, c'est quand même hallucinant de bêtises. À la limite, elle l'aurait fait jouer à Blanquefort, à Saint-Germain, n'importe où. Non, mais Boulin, plus grand stade. Libourne à 15h. Je veux dire, il va peut-être y avoir des enfants, oui, des écoles de foot. Ils vont amener des écoles de foot. Il l'aurait fait à la limite cette semaine, ce mercredi. c'est les vacances. Tu te dis, il y aurait pu avoir du monde, des enfants, des familles, des nanas. Enfin, mais là, rien. Les pauvres, elles vont être devant quoi, 400 personnes ou encore, je sais même pas. Mais à 5 euros l'entrée. C'est pas les aider. Et contre Lyon. L'idée, c'était de mettre Highbound pour qu'il y ait plus de monde. Mais quand tu programmes à ce moment-là, un mercredi à 15h. Non, mais fais le voyant alors. Non, mais c'est fou vu qu'on est les premier à se dire la ligue féminine elle est pas valorisée, elle a pas la chance d'être mise en avant. Mais si tu fais pas tout pour voilà, là c'est clair, c'est flingué. Pour te répondre, elles ont encore un mini espoir parce qu'elles ont que 2 points de retard sur Saint-Etienne et Saint-Etienne n'est pas flamboyant. C'est vrai. Voilà. Donc Juvisy, allez. Je comprends. Alors Elise, faut que tu précises parce qu'elle a mis surtout des nanas, un Seb, mais je comprends pas sur quoi. Donc précise-moi Elise, sur quoi j'ai fourché parce que je comprends pas. Allez les enfants, je te rejoins complètement d'ailleurs sur ce coup. Voilà. Mais si elles veulent venir se plaindre en direct, on les accueille. Les nanas, ah mais y a pas de problème, on les accueille en direct, même pas en direct. Mais en direct c'est mieux. Allez, on va passer, messieurs, au moment. D'ailleurs, il me faudrait le papier et un stylo, s'il vous plaît. On va passer au moment. Le clash de l'intelligence. Et oui, c'est le. Ah, perdu. C'est le C'est qui fait. Pi-li-pi-pi. Ta-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Le meilleur ami de tous les enfants, car les enfants. Oh, qu'est-ce que je chante mal. Merci, mon petit bonhomme. Le C'est qui du jour, messieurs. Il est assez chargé, donc on va essayer de. Aller assez vite. Oh tiens, il n'y a pas eu de récap ligue. Hein. Ah ouais, bon, j'ai oublié. On va pas se mentir. En résumé, rien n'a bougé. Bah, sauf Bordeaux qui décide. En résumé, Cavani est en train de faire un truc que même Zlatan n'a jamais fait. C'est-à-dire que 44 matchs, toutes compétitions confondues, je vais y arriver, et 44 buts. Voilà, va faire mieux que ça maintenant. Lorient qui est en feu. Il y a quoi d'autre aussi? C'est passé quoi ce week-end? Voilà, Monaco qui a gagné, tranquille. Et Marseille, là, dans les fesses. Marseille n'a pas gagné. Voilà. Allez, messieurs, on va commencer par enlever cette musique déjà. Voilà, premièrement, on va en mettre une autre, voilà, qui est beaucoup mieux. Qui agace. Et alors, les et équipes. Juste 2 secondes, oui. Je viens de me rendre compte que Kavenaghi avait sa propre collection de vêtements. Ah bon? Ça s'appelle comment? Ah non, FC9. D'accord. Et donc, il a une super banque. Même après 2 ans. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu, je viens de l'avoir. D'accord, ok, il y en a deux qui dorment pas là. Ben non, allez, mais Adrien contre Cyril, location. Contre Alexis, messieurs, c'est effectivement. C'est peut-être sa femme. C'est peut-être sa fille, je pense, vu l'âge qu'elle a. Ou sa femme. Alors, messieurs, j'ai pas le temps de trier sur ce qui concerne le match de ce week-end et le tout venant, donc je vous l'ai fait un par un et puis je vous préciserai ça. D'accord. Voilà. Donc, c'est qui dit? C'est bien de revoir Bordeaux en haut du classement. Ligari. Non, mais il faut faire encore Riolo. Plus. Non. Carasso. Non. Ua. C'est une belle surprise, mais depuis des années, Bordeaux est en dessous de ce qu'ils peuvent faire, car Riolo. On sait que c'est très, non, un très grand club. Il y a quelque chose à faire. Menez. Franck Leboeuf, il est là. J'ai dit Alexis. Sur Téléfoot, sûrement. Non, non, là, tout à l'heure, chez Dugas, cet après-midi. Il est plus sur Téléfoot. Il est... Si, Alisa. Tiens, c'est qui dit? C'est qui dit? Ah, alors celui-là, il est un peu. Voilà. Il parle de Younous Sankaré. Gourvenec. Non. Il dit le rôle d'un box-to-box, c'est aussi d'être efficace. C'est un récidiviste. Trésor. Face à Nantes. Non, il avait déjà fait la différence avec un but plein de sang-froid. Bay. Non. Palois remise de la tête pour le Sénégalais qui termine le job. Menez. Fernandez. Ce n'est pas vraiment. VRL. Non, ce qu'on lui demande, mais le rôle d'un box-to-box, c'est aussi d'être efficace pour le reste ancien Gandro. À gratter des ballons et transmis. Riolo, non. Non. On en a parlé dans cette émission. Pierre Lesminou. Non. Je sais pas. On en a parlé là. On en a parlé il y a pas longtemps. Ramé. On a cité son nom 2-3 fois même. Non. Dugarry. Non. Carasso. Uar. Non. Il n'est pas sur Canal, il n'est pas sur RMC, il n'est pas sur. Pascal Pro. Bean. Non. Non, il n'est pas sur Canal. Je sais pas. On en a parlé il y a 10 minutes. Christian Jean-Pierre. Non. Lizarazu. Non. C'est un gardien? Non! C'est un journaliste! C'est un journaliste. Brun! Non! S'il est pas Alliance. Sur. Non! S'il est pas sur Bean, il est pas sur Canal, il est pas sur. C'est qui le troisième? Ah, Djelit! Ah, bah quand même! Ouais. Merci Cyril! Nabil Djelit! Jelly ou Jay? Moi je crois que c'est Jay. Jelly, comme Jay au coach. Oui, Jay, ok, mais je suis pas sûr qu'on dit le T. Ah, c'est qui dit? Et là, je sens que vous allez aimer ça. On a envie de vite récupérer et de sécuriser la quatrième place. Ferry. Vada. Non. Garcia. Non. Mais c'est un peu dans ce délire. Genesio. Non. La Gazette. Non. La Combe. Non. Ouillé. Non, il est triste, il a perdu sa cinquième place. Il dit, oh, la Gazette. Non. Berthaud. Non. Certic. Au mois de juin, il était content. Mais là, il est triste. Au mois de juin. Eder. Non. Lopez. Au mois de juin, il était content. Au mois de juin, il était content. Eh oui. Pas sympa. Ouais, je suis même pas proche de lui, ça parlait la quatrième place. J'ai dit, tiens, je le mets. Tiens, alors là, ça concerne le match de ce week-end. Enfin, c'est après le match, une réaction après le match de ce week-end. Sur l'ensemble du match, on ne s'est pas mis en danger. Déjà, c'est une bonne chose. Grovenek. Non, la bonne dynamique se poursuit. On s'occupe surtout de nous. Et Palois. Pop, pop, pop, pop, pop. Arrête-toi là. Hop là, Nicolas Palois. Non, mais s'il est fait tout ça aussi. Vous avez le droit de participer aussi. Ouais. C'est moche. Comme dirait Tony, c'est moche, c'est mais ça compte. C'est comme tous les buts de Inzaghi. Tiens, d'ailleurs, à propos de Palois, c'est sa combientième de passe décisive? Deuxième. Quatrième. Troisième. Alors, on va faire un par un. Tu dis quoi? Deux. Quatre. Trois. Bon, bah, y en a aucun qui marque le point, c'était la première. Voilà. Ah, c'est vicieux. Je suis quand même le plus près. Non, mais non, il n'y a pas de plus près. Je suis quand même le plus près. Peut-être, mais je voulais le chiffre exact, c'est tout. Tiens, alors ça n'a rien à voir avec le match de ce week-end, mais vous allez me donner le nom du... Ça, je pense que Cyril, il va le trouver de suite. D'un joueur qui a donné la victoire au club de Brentford. Barbé. Ah, Johan Barbé. Barbé. Ah, voilà. Johan qui joue Barbé. À Niort. Qui joue à Niort et maintenant qui joue qu'on à... Qu'on a reçu à Gironde Analyse. À ça a Brentford, été sa première, ça a en été D2 sa première britannique. Depuis deux ans, il a donné le succès dans le derby londonien. C'est pas rasé. Et Lens a perdu contre le Havre. Et Lens a perdu contre le Havre. Ça arrange pas les affaires de le... Enfin, ça arrange pas les affaires. Tiens, toujours... alors là, c'est à propos du Mans. On revient sur le match de ce week-end. À ce niveau... Les erreurs voulaient payer cash jusqu'au premier but. Il y a eu des... Non, il y a eu des situations. Real Meda. Voilà, il a retenu. Il a retenu parce que je vous l'avais mis déjà celui-là vendredi et ça avait été compliqué. Vous l'aviez même pas trouvé, je crois. Qui a entraîné la porte ou pas? Il était déjà là. Ouais. C'est qui dit? C'est qui dit? Alors là, franchement, les trois qui arrivent, ça va être une question de rapidité parce que Samaritano. C'est très facile. Qui est très rapide. C'est qui dit? C'est qui dit? En parlant de Gourvenet, qui dit je crois qu'il a redistribué Menez. Les cartes à la traîne. Riolo. Non, notamment après des Trésor. Regards. C'est pas Trésor, c'est pas Dugarry. Je pense à Roland, il n'a pas eu peur de le mettre en Kobe. Placant. Bacardi. Non. Ah non, c'est Landreau. Landreau, il marque son premier point. Adrien marque son premier point. T'es un peu en retard, mon gars. J'ai pas regardé le CFC, moi. T'as qu'un point de retard sur Alexis, mais t'en as 4 sur Cyril. 3 sur Cyril. C'est qui dit? Tiens, on revient sur le match de ce week-end. Le groupe a pris conscience qu'il y avait de la qualité. Gourvenec. Sankaré. Non. Martin. Non. Marius. Non. On est solide défensivement. Tout on a des attaquants qui sont capables de faire la différence. Trésor. Non. Chalmé. La Vada. Non, non, non, non, non. Fargeon. Non, non, non, non. Bon, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Carasso. Non. Léchouk. Non. Dugarry. Non. Vous allez tous me les faire. Blaich. Non. Fargeon. Non. Oubliez les journalistes. Plazine. Oubliez les journalistes et les consultants. Et les joueurs, on l'oublie? Ben non, si je te dis d'oublier les journalistes et les consultants, Maurice Bellet. Pas les joueurs, c'est peut-être parce que c'est un joueur. Maurice Bellet. Malcolm. Non. Vada. Vous allez tous les faire sauf lui. La Toulalan. Non. Sankaré. Ah bah ben, quand même. Mais je... Bien joué Cyril. Younous oh Sankaré. Je le dis depuis tout à l'heure. C'est qui dit? C'est qui? Ah tiens, toujours concernant le match de ce week-end, c'est qui dit? Compte tenu de notre classement, Cahuzac. Non. on joue un peu recroquevillé en pensant que c'est la solution pour perdre les matchs. Je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était sur Bein Sport. C'est sur Bein Sport. Ouais. Le cas. Non. Mais maintenant, il faut jouer à l'extérieur pour gagner. Jouer de l'avant. Je suis inquiet. Dani. Exactement. Putain, oui, je vois sa tête dans le jour de fou. Gaël Dani. c'est Kikili, c'est Kikili. Tiens, ça concerne le match de. Je sais même pas, sinon c'est général, je pense. C'est Kikili. On le connaît d'ailleurs dans cette émission. Tiens, il dit je pense que le stage à l'île de Ré a manifestement créé du lien. Ils se sont peut-être un peu plus. Ce n'est pas un joueur. Ils se sont un peu plus découverts. Non. Gourvenec. Non. Lors du stage d'avant saison. Non. Franck Manteau. Non. Uar. Non. Ramé. Benedé. Non. Chalmet. On le connaît bien dans cette émission, on l'a eu quelques fois. Blasil. Non, on l'a eu quelques fois au téléphone. Bon, je crois que même qu'il était venu une fois en studio, si je dis pas de bêtises. Alors bon, vous, ça va être compliqué pour vous, toi, Cyril. Physique. Non, c'est pas un préparateur physique, c'est pas un staff, c'est pas un. C'est un journaliste. Ah, Brun. Ah, à droite. Oh non, il le dit en premier. Oh là, petit tour ce Brun. Vidéo. Laurent Brun, notre journaliste de SoFoot que l'on salue. Tiens, c'est qui dit ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Denis Brouillard. Leca. Il a été très bon. Il a été passeur décisif, il a été buteur dans cette équipe de Bordeaux qui commence pourquoi pas non, à aller chercher cette quatrième place. Non, je crois que c'est même, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la première fois que je cite ce mec depuis au moins janvier, après j'ai pas de souvenir. Manardo. Non. Pourquoi aller chercher cette quatrième place? Depuis son arrivée, il a stabilisé le milieu de terrain avec Valentin Vada et Jérémy Toulalan. Alors c'est forcément quelqu'un que j'ai très rarement cité, donc me sortez pas du art, du trésor, du machin. Oui. Gautreau non. Non. C'est pas Gautreau, mais. Malardo ? Non. Benerbia ? Non. Ranjou ? Non. Ah. Ah. Allez. Dimeco ? Non. Ah, Bey ? Non. Bon, Bey, je l'ai déjà dit. Roland Courbis ? Daniel Bravo. Non, mais. Fernandez. Voilà, il est là, le gamin. Et il fait un comeback. Louis ! Il fait un comeback, il revient à un point de Cyril et il a mis un 4-0 à Alexis. C'est dommage, c'est le dernier. Qui de rage a cassé son micro, son casque. Il y a le téléphone, casque d'Alexis. C'est la dernière. Non, il en reste encore pour se refaire. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux remonter. Tu peux remonter. C'est un scandale. Pas de match de légende, c'est qui dit Gourvenec a trouvé la solution une fois de plus. Riolo. Voilà, boum, il est là. Riolo. J'ai tellement dit que j'ai posé. C'est Kikili. C'est. Ah, ah voilà. Je le garde pour la fin. C'est Kikili. Nous, ce que l'on veut, c'est obtenir le plus de points possible et arriver à cette fin de saison. Non. Vada. Monsieur Martin. Vada, il est à droite. Non. Bah si. Je te promets que si. Enfin, c'est pas Vadin qui est à droite, c'est Adrien, mais. C'est vraiment un enfoiré. On va te raser la tête avant la fin du championnat, toi. Alors. C'est qui qui dit écoutez bien, on sent vraiment que. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, mais est-ce que ça va durer? Le nouveau président est optimiste. Dugarry. Ah, bah voilà, tu vois, quand tu veux. Dugarry. Même ça comptait là. Bah oui. Bah oui. Je croyais que t'étais encore sur la phrase d'avant. Les trois derniers, messieurs, ça m'arrangerait que vous fassiez pas de match nul. C'est qui dit, alors ça, cette phrase, tout le monde aurait pu la dire. Carasso leur fait énormément de bien. Trésor. Non. Rui Almeida. Non. Leca. Non. Ménès. Non. Non. Vous l'avez cité tout à l'heure. Vous vous êtes trompé, c'était pas lui, mais son nom est sorti. Piotro. Non. Bey. Non. Non. Benerbia. Ali Benerbia. Ouh, il remonte, il remonte. Il reste, il y a 5 égalités entre Cyril et Ali. Mais vous êtes tous les 3 à égalité, c'est un truc de fou. 1, 2, 3, 4, 5 pour Cyril, 1, 2, 3, 4, 5 pour Alexis, 1, 2, 3, 4, 5 pour Adrien. Je vous préviens, il ne reste que 2 points à prendre. Donc sur la prochaine question, il y en a un des deux qui est éliminé. J'en annulerai un, je frique tout sur celle-là. Non. Bah si. Ah ! Est-ce que vous voulez faire ça ? Non. Le premier qui trouve, vu que vous êtes tous à égalité, le premier qui trouve va gagner. Le premier qui trouve va gagner. Sachant que ça m'arrangerait, parce que... Mais la musique de suspense. Mais alors on a un truc compliqué. Oui, ouais. Honnêtement. Genre sur un Bordeaux Bastia de 90. Non. Honnêtement, il est pas facile. Honnêtement, il est pas facile. Okay. C'est qui dit ? Je retiens évidemment l'année où on a été champion. La super équipe qu'on Kiki a. Qui vous pas ? Oh là là là là. Chez les autres. Il est là le drôle. C'est pas chez les autres, c'est devant le match. Kiki Moussampa. C'est pas pour moi, j'ai dit le nom de l'émission. Kiki Moussampa. Il a fait une remontée extraordinaire. C'était chez nos potes de devant le match, l'émission que vous retrouvez avant nous le vendredi sur RG 19h. Devant le match avec une bière. Et Kiki Moussampa était leur invité la semaine dernière, évidemment. Non, oui, enfin oui, vendredi dernier. Unai Emery pour cette remontada. Et évidemment, ben voilà, victoire d'Alexis au bout du suspense. Bien joué Alex. C'est bien. Bien vu mon gamin. Merci pour l'échec. La vache, on va même finir en avance, il va falloir que je brode. Pour un c'est Kiki finir avec Kiki, c'est pas mal. Ah non mais là mais c'est surtout que je pensais j'ai pas regardé l'heure, on est en avance. Ah mais voilà, mais c'est donc d'autres questions. On va pouvoir broder, alors trop tard, c'est fini. On va faire le résultat de la question. Le résultat de la question. Ah, il y a déjà le résultat que personne ne se pose et puis si vous voulez parler de n'importe quoi, on parlera de n'importe quoi. D'ailleurs, ouais, il nous dit Kiki, il a été très bon. C'est vrai qu'il a été très bon Kiki Moussampa chez nos amis de devant le match. D'ailleurs, nos amis de devant le match que l'on salue. Si c'est le C'est Kiki, c'est pourquoi t'as mis Kiki si dans le C'est Kiki. Oui. Oh putain, c'est vrai, moi j'ai c'est pas pensé Kiki, à Kiki, Kiki. D'ailleurs, nos amis de devant le match, c'est quand même la seule émission, amis auditeurs, où vous pouvez retrouver dans la même émission deux invités qui étaient là coup sur coup. Il y en a un, c'est que Dru, l'autre c'est Kiki. Enfin, moi je dis ça. Je dis rien. Humour, potache. Wouhou. Allez. Ouais, bientôt, il y aura Philippe Cocu. La question que personne ne se pose. Oh, c'est Philippe Cocu, prochain invité. La question que personne ne se pose, je fais une petite, un petit rafraîchissement, une petite mise à jour. Donc, un peu de fraîcheur. Selon Café, donc Ulrich Ramé, bah, pendant tout le temps où il était en emploi fictif, selon Christophe Dugard, il est arrivé dernier donc, avec seulement 4%, le fait qu'il ait écumé les discothèques avec Lasland, Viltord, Trash et Jawara, est arrivé 3ème, ça s'est pas joué à grand chose, à 12,6%, il a comploté contre Cédric Carasso pour qu'il parte, alors celle-là je la comprends, ah oui, Ramé si. Carasso, est arrivé 2ème avec 13,2%, il s'est mis au golf avec Plasil, Planus, Chalmé. Planus, il fait du golf ? Plasil aussi ? Oui, Chalmé et compagnie ? Ils font tous du golf. Et donc, est arrivé premier, il a bossé Dugarry, confond avec lui-même. Voilà. C'était... Il y a eu pas mal de votants, c'est bien. Pas mal de votants. C'est bien, il c'est faut cool. s'exprimer. Il faut, voilà. Ah bah l'abstention. Ah bah, ouais. Bah oui, si vous voulez pas que... Bref. Si vous voulez pas que... Non, parce que c'est bien de pas être content, mais si vous voulez pas qu'il y ait vraiment la merde dans deux semaines, faites ce que vous voulez, mais allez voter. Voilà. Voter si, pour si, la question oui. que personne ne faudra se pose. Pas venir pleurer après, Cyril. Ouais, on est d'accord. Façon, entre la finance et le racisme, pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est bien pour ça que je veux pas qu'on parle de politique dans cette émission. Allez. On peut même pas parler de Jean Lassalle. Vous savez quoi, puisqu'on a fini plus tôt, ben on va se quitter plus tôt. On peut pas parler de Jean Lassalle et de Chamac. Non. Ben, on en a pas. Si t'avais été là vendredi, on en a parlé. Oui, c'était même le débat de la question que personne ne se pose. Mais. Ben oui, mais t'étais pas là. T'es où pas là ? T'es où t'étais pas là ? J'étais. Ah non, t'étais pas là. T'étais où pas là ? T'étais où t'étais pas là ? Moi. Bah t'as joué sûrement ? Non. Ah bah alors là, je sais pas, mon gars, je peux pas savoir ce que t'as fait de ta soirée. J'ai dragué de la minette. Je plaisante en plus. Et alors, ça a pas chopé ? Du tout. Pas du tout, j'étais chez le fils du boucher. Alors je veux même après, pas savoir. Après, tu fais ce que tu veux, le fils du boucher. Non, mais c'est un restaurant, donc il faut en citer un autre. Buffalo. Bah tu vois, mon grand, moi j'espère que. Non, une crêpe. J'aurais préféré que tu sois avec la fille du boucher, mais bon, apparemment, t'es plus sur le fils. Ouais, Louis nous dit 22h56, l'émission dérape. Bah oui. Mais il faut continuer. Il faut bien continuer, mon grand. D'ailleurs, à ce propos, je l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant parce qu'on a quand même eu Pierre Lesmenou, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Non, pas du tout. Je voulais remercier nos amis du chat qui étaient présents ce soir. Il y avait les, entre guillemets, l'équipe GA, Louis, Rico. Alors ça a défilé, j'ai pas vu. Il y avait qui d'autre ? Tous les gens qu'on aime et qu'on connaît, Élise, Thibaut évidemment, tout le monde, allez, Kéopar, voilà, il y avait tout le monde, il y avait même Stéphane Courbis, salut à toi Stéphane, FX, ouais. Tortue Génial, Johan et Cible de la Tribune Gol, on les salue. Enfin voilà, tout le monde. Tortue Génial. Bordelaise, Louis Chen. Évidemment. Enfin voilà, merci à vous. Shun ou Sean, je sais pas comment on dit. Sean. C'est Sean, le guerrier d'Andromède. Hein. Dans les tortues, dans les ninjas, Senseiya. Les Senseiya, c'est les chevaliers zodiaques. Mais Sean. Ah putain, Andromède. Oh, ouais, j'étais pas du tout là. Bon, messieurs, on va se quitter là-dessus. Vos phrases de. Je vais couper cette. Voilà, merci. On va se quitter là-dessus. Vos phrases de fin pour terminer. Et puis on va rendre l'antenne. Oula. Je sais rien, c'est moi, ça bug. Si Adrien, tiens, pour commencer. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oui. Alexis. Pourvu que ça dure, sa belle aventure, malgré tout ce qui nous arrive. Cyril, oui. Pardon, excuse-moi. Juste une petite phrase pour que les gens continuent à aller au stade. Et guichet fermé, s'il vous plaît, pour Bordeaux-Marseille, il y a des places en vente. Les laissez pas aux Marseillais. Ouais, c'est clair. Ah oui. Alors là, je suis d'accord avec toi, Cyril. Les mecs qui vont venir chialer dans deux semaines, dans trois, dans un mois. Oh, il y avait des Marseillais. J'espère que vous serez au stade, les gars. Parce que venir pleurer, c'est bien. Voilà. Si vous voulez pas qu'il y ait de Marseillais, bah, venez au stade, il n'y en aura pas. Venez au stade. Là, les places, elles sont en vente. Donc profitez-en. Un maximum de Bordelais pour ce match-là. Et puis, ma phrase habituelle, le seul, l'unique, Didier Sénac. Paolo Gralac. Ludovic Obraniak, il y en a eu pas mal. Allez, on fait une heure de plus sur tous les joueurs de Bordeaux en hack. Allez, Pierre Lesmelac, Marouane Chamac. On avait quand même un joueur qui avait une marque de chocolat, Gralac. Oui. Ah, c'est Galac. Ouais, ça passe. Allez, ça passe. Le genou patraque, c'est Carasso. Ah, c'était Roland, c'était Ronaldo, ça, le genou patraque. Allez, merci à il vous, Amis Chatter. Il essaye de communiquer. Merci à vous, que vous soyez derrière votre radio, votre voiture, partout où vous êtes. Voilà, merci à vous de nous écouter. On se retrouve vendredi, 21h-23h, juste après, devant le match, 19h30, 21h. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. J'ai en analyse. Si jamais vous avez des idées d'interview de je sais pas quoi, parce que là on a eu Iglesias Milou, vous les gardez pour vous. Mais n'hésitez pas à faire de la pub aussi pour nous. Alors donc, des trucs en relation avec Bordeaux. Ouais, hein, voilà, ne dites pas on veut Matt Pokora ou. Mais remarque, son père était joueur. Oh putain, ouais. Donc pour Bordeaux-Marseille, on a Matt Pokora. Donc si vous avez voilà, des suggestions. Si Rudy Garcia veut appeler Jérôme Analyse pour parler de Bordeaux-Marseille, il n'y a pas de problème. Si Laurent Blanc. On le prend avec plaisir. Si Laurent Blanc veut parler pour Bordeaux-Marseille. Pas. Si Bengouz, Alain Giresse. Si lui pour le coup. Si Bengouz il appelle mais qu'il nous fait de la pub, on prend aussi. Oui. Si Alain Giresse nous appelle, pourquoi pas. Allez, comme dit Rico, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine. Et allez Bordeaux. Et on remercie Girondin. 33, évidemment. Tu as bien fait de le préciser, de Rico, donc. Rico, Thibaut et tous ceux qui s'occupent de. Enfin, ensemble. Allez, merci, bonne soirée, bonne semaine. Et à vendredi. Et allez Bordeaux. Vous avez deux fois.